Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir aux Vosges qui m'écoutent et aussi l'Alsace qui est présente vu que j'ai appris que Solveig est avec nous ce soir. Donc bonsoir Solveig, contente de savoir que tu nous écoutes. L'émission de ce soir est un petit peu particulière. C'est une émission, comme je l'avais dit, musicale. Et qui dit musique dit Mika qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mika. Bonsoir Lou et à tous. Et comme je disais, l'émission est un petit peu particulière vu qu'en effet, ça va être divisé en deux, cette émission. En première partie, on va interviewer le groupe Dubioza Collective et en deuxième partie, on fera un petit retour sur le film Bohemian Rhapsody qui est dans les cinémas en ce moment et qu'on est allé voir. Mais avant toute chose, pour Dubioza Collective, pourquoi je vous dis que c'est quelque chose d'assez particulier? C'est un groupe bosnien qui ne parle pas français. Alors vous le savez, j'ai déjà fait une émission avec des gens qui ne parlent pas français, mais j'avais un traducteur avec moi. Pour une fois, je n'ai pas de traducteur, donc on a échangé les rôles avec Mika pour cette première partie d'émission. Mika fera les questions et moi, je ferai la traduction en espérant que je me débrouille et que je sois compréhensible tant pour vous que pour les invités que je vais avoir dans quelques instants par téléphone. Mais voilà, et pour vous dire un petit peu qui c'est le groupe Dubioza Collective et pourquoi est-ce que je les ai en fauneur, c'est qu'ils seront ce vendredi 23 novembre à 20h30 à la Souris Verte. Je vous dis les tarifs, ils seront de toute façon répétés dans le billet de sortie. Le plein tarif est de 20€, le tarif réduit le plus bas est de 14€ et pour les moins de 15 ans c'est 8€, comme ça vous faites une idée. Et ils ne seront pas seuls, ils seront accompagnés aussi du groupe Les Trois Fromages. Le vendredi 23 novembre à 20h30 à la Souris Verte. Bon, bah, on va se lancer dans quelques instants. On va aller les appeler, on va aller les appeler sous peu. Mais je vous propose de découvrir leur univers avec un premier morceau qui s'intitule Red Carpet. Que Mika, si tu veux bien le mettre en route. Oui, on précise que c'est une collaboration avec Manu Chao. Vous allez reconnaître sa voix. Merci Mika pour les informations. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor, became a red carpet. It's not a free world now, it's just a free market. Red flag on the floor now, became a red carpet. Over, just start your browser, dig your gold and do what you're told. I guess we are lost and completely numb. We dance to a beat of a loud war drums. People once again will show their rage, but this time only on a Facebook page. This is so wrong on so many levels. New gun needs new kind of rebels. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor, became a red carpet. Became a red. just pay, no easy answer. Back to your job, keep pushing the knob. Looking for a needle in a stack of needles. Learn how to think before it gets illegal. Walk like a zombie on a haunted trail. Brain dead man in telling tales. This is so wrong on so many levels. Cause new time needs new kind of rebels. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor, became a red carpet. It's not a free world now, it's just a free market. Red flag on the floor now, became a red carpet. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzou 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et le morceau que vous avez écouté à l'instant, c'est Red Carpet. Et comme le disait Mika avant la pause musicale, il a été fait en collaboration avec Manu Chao. J'ai tout bon, Mika ? C'est ça. Nickel. Donc, comme promis, nous sommes au téléphone avec un membre du groupe qui est avec nous, Verdan. Hello, Verdan. Hello. Oh, pardon. Hello. Oui, cette fois, Mika est à la technique. T'as pas le droit de faire d'erreur. So, Verdan, I'm going to let Mika ask you questions that I am translating. Mika, c'est à toi. Ton rôle dans le groupe. Which is your role in the group? I'm bass player. Il est bassiste. Yes. And a singer? No. Non, just musician. Ok. Le nom Dubiosa Collective, que signifie-t-il? What does mean the name of your group Dubiosa Collective? There is a word in English, and I guess in French as well. Dubious, like suspicious. Dubious Collective. So it's just a Bosnian pronunciation of this word. Donc en fait c'est une transformation de la du mot dubios ou suspicieux en fait, et ça veut dire collectif suspicieux, prononcé un petit peu à la manière de Bosnie. L'origine. And also there is a lot of meaning added to this word in Bosnian slang. And it describes very complicated situation in which you can find yourself. Il y a aussi beaucoup d'autres significations, bien entendu, parce que dans leur langue bosnienne, voilà, ça a plein de significations, mais en tout cas, c'est une première explication. Comment est né Dubiosa Collective? How is born the group Dubiosa Collective? It's been 15 years ago, so we hardly remember how it happened. But it was two bands that fell apart in the same time, and then members of that group joined together and decided to form the other group. Alors, il vient de dire que ça fait 15 ans qu'il est né, donc c'est un petit peu compliqué de se souvenir de tout ça. Mais pour la faire courte, en fait, ce sont deux groupes qui se sont séparés et des membres de ces deux groupes qui se sont alliés. Quel est le style que vous proposez? What is the style of music that you play? That's probably the hardest question you can ask us, because we tried many times to define our sound with the words, but we never actually managed to do it. And the sound is very eclectic, and it's a mix of different genres, from dub reggae to punk or to electronic music to hip hop. You have everything inside, and on top of all of that, you have Balkan music influences in brass section or in accordion. So it's very hard. With simple words, what does it sound like? C'est assez compliqué de décrire avec des mots simples ce qu'ils font, vu qu'ils regroupent plein de styles, plein de genres différents. D'ailleurs, ils ont beaucoup de peine à se définir, hein. Mais entre autres, hein, ils sont très influencés par la musique des Balkans. Vous avez vécu dans un pays en guerre. Est-ce que ça influence vos paroles? Est-ce que vous vous dites engagé politiquement? You have lived in a country who has lived a war. Does it have influenced your music? And do you think you're an engaged music group? Well, yes, of course. We were kids and teenagers when the war was in Bosnia, and of course it had very much influenced our way of thinking and our way of creating music, and of course you can hear it in our lyrics and through our songs. We really think that to being a musician today without being aware of your social context is simply stupid, and you really have to address issues that surround you, and you really have to speak about things, especially nowadays, when with all this rise of right-wing extremism across Europe, it's really important for us to share our experience and how right-wing extremism in Bosnia shaped our lives and how it destroyed so many lives in the war. Désolée, je suis en train de finir de traduire. Il disait que oui, en effet, ils étaient enfants et adolescents quand ils ont vécu la guerre de Bosnie. Donc forcément, hein, ils se considèrent de toute façon comme musiciens engagés de par leur vécu. Ça influence beaucoup la manière dont ils créent leur musique, hein. D'ailleurs, c'est ce qui ressort beaucoup à travers leurs textes. Et je suis désolée, j'ai pas réussi à tout comprendre, mais ils veulent quand même en fait partager leur expérience, leur vécu et à quel point la Bosnie a été ravagée pendant cette guerre. Et le partage avec le groupe Dubioza Collectif, ça sera possible pour vous qui écoutez Radio Gemozo, puisqu'ils seront vendredi à la Souris Verte à 20h30. En première partie, il y aura les Trois Fromages, groupe de rock breton humoristique. Et sur scène, Dubioza Collective, c'est une énergie et il y a aussi des particularités, notamment leur tenue de scène. Est-ce que Vedran pourrait nous en parler? Sumika told when you're going to be on scene in Epinal to Friday, and then he asked about your clothes. You have how to say that? Do you have a dress code, or is this black and yellow dress code significant, or do it have a meaning? Well, the obvious meaning is that we really want to be visible on stage, and nowadays a lot of bands think that they are cool if they wear all black, and in the end they end up being invisible on stage because stage is usually black, and we decided to counter that with yellow color. Alors, il disait en fait que c'est simplement pour être beaucoup plus visible sur scène, parce que généralement la scène et le fond de scène sont noirs, et que voilà, c'est pour faire un petit peu un contraste, d'apparaître beaucoup plus clairement ce dress code jaune et noir. Et vous ressemblez à une équipe de football, puisque ça fait penser, hein, cette tenue. Bien, il y a d'ailleurs, je crois, short, chaussettes et le maillot de foot. C'est une équipe de foot, le Dubioza Collectif. He said you a little bit look like a football team. But that's also one of the associations that you can connect to seeing guys in black and yellow jerseys. Of course, it's emphasized this team spirit of a collective, so it's fine. Donc c'est aussi une association possible pour le dress code. Mickey, est-ce que tu as envie de proposer, est-ce que tu as envie qu'on passe une première pause musicale? Ah oui. Alors, qu'est-ce que je vais proposer? Je vais proposer Pak Choo, que j'aime beaucoup. We are going to listen a music now, if you agree, Vedran. Yes, of course. Alors, on va écouter Pak Choo et on se retrouve juste après. Mene ne zanima jel navijaš za želju, čelik široki, veležju slobodu. Da li si u muškom, ženskom ili nekom transrodu? Jel se ložiš na vjeru ili si ateista? Tu će se za svakog bola naći malo mjesta. Da li nosiš gaće ili si možda nudista? Svejedno je musliman, jevrej, kršćanin ili budista. Jel voliš meso ili jedeš samo vege? Da li slušaš narodnu, rock ili reggae? Ili reggae, ili reggae, ili reggae. Ili gej, fakat je sve jedno. I prvo, a i ovo drugo meni je okej. Da li pišeš desnom ili si ljevak? Da li živiš u gradu ili si seljak? Jesi punko brod ili zarađuješ sitno? Koliko imaš para? Meni nije bitno. Ali je bitno da ne dopustiš da te jašu. Meni je najbitnije da nisi pakšu. Ali je bitno da ne dopustiš da te jašu. Meni je najbitnije da nisi pakšu. Samo volje biti pakšu. Samo volje biti pakšu. Samo volje biti pakšu. Jesi glup ko konj ili si intelektualac? Imaš li papire ili si negdje ilegalac? Voliš ploču ili skidaš MP3? Jesi pijan ko letva ili alkohol free? Svi smo manje više isti, slobodno poravni. Crkvena su zvona bolan isto što ezani. Al jedna je kap koja preljeva čašu. Čovjek vrlo lako postaje pakšu. Al jedna je kap koja preljeva čašu. Čašu, čašu. Čovjek vrlo lako postaje pakšu. Samo volje biti pakšu. Samo volje biti pakšu. Samo volje biti pakšu. Samo volje biti pakšu. De retour sur Radio Guimauze 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez entendu à l'instant le morceau Pak Choo du groupe Dubioza Collectif, pardon, et nous sommes toujours avec Vedran au téléphone. Are you still here, Vedran? Yeah. Wonderful. Mika, la parole est à toi. Que signifie le titre que nous venons d'entendre, Pak Choo? De quoi ça parle? What does mean the title Pak Choo, and what is the meaning of the song? Oh, that's a very difficult question for a radio. I don't know if you are ready to hear the explanation. Alors, il dit que c'est une question très très compliquée, pas très radiophonique. Il demande est-ce qu'on est prêt à entendre la réponse? But in short, the meaning of Pak Choo is a slang word for an asshole, and it says don't be an asshole. It says that, you know, the lyrics goes that we really don't care if you are white, black, Christian, Muslim, gay, straight, if you like to eat meat or you're vegetarian. You know, we don't care as long as you're not an asshole. That's in short. Alors, pour la faire courte, en fait, Pakchou, c'est un diminutif qui chez nous veut dire, je suis désolée si je vais être vulgaire, mais je dois te traduire, qui veut dire trou du cul. Et je suis désolée, ça me fait un petit peu rigoler. Mais au final, le fond de la chanson dit, peu importe que vous soyez musulman, arabe, d'origine, quelle qu'elle soit, étrangère ou même chrétien, peu importe, tant que vous ne vous comportez pas comme un trou du cul. Ce titre est extrait du dernier album de Dubiosa Collective. Alors, on va pas vous dire, hein, Lou, le titre de l'album, parce que c'est très compliqué. On va peut-être éviter d'écorcher la langue bosnienne. Par contre, ce qu'on peut dire à ceux qui écoutent, hein, c'est d'aller voir, déjà sur scène vendredi à la Souris Verte, ce groupe, Dubiosa Collective. Et puis d'aller voir aussi sur Internet le visuel de cet album, puisque je crois que... peut-être que Vedran peut nous parler un petit peu du visuel. Lou, tu l'as vu tout à l'heure, c'est un lapin plutôt... Alors, il y a les deux côtés, hein, il y a le côté enfantin, il porte une couche, et puis le côté rock'n'roll, une couche, et puis un badge Hello Kitty, et le côté rock'n'roll, il a la clope au bec, il y a aussi le côté guerrier, puisqu'il a une arme, je crois que c'est une Kalachnikov en main. Donc, que peut nous dire Vedran sur le visuel du dernier album ? Mika, ask you what you can say to us about the drawing for the new, for the last album in which there is Pakchou. The drawings are work of legendary Serbian cartoon artist named Bob Živković, and he is like the guy who is on the scene for 30 years, and he really defined our childhoods, and we met his drawings throughout our life in different publications, especially in Politikin Zabavnik, which was one of the weekly magazines for kids and adults, and when we contacted him and asked him to draw a small cartoon for each of the songs, he did a wonderful job, and we are very happy that he accepted to work with us. Donc en fait, c'est en réalité un cartooniste serbe qui, si je me trompe pas, travaille déjà dans le dessin depuis 30 ans. Quelqu'un qui a bercé leur jeunesse en fait de par des publications jeunesse hebdomadaires. Et quand ils lui ont demandé, il a accepté tout de suite. Par contre, je suis désolée, je me souviens pas de son nom. Il a accepté et puis il a réussi assez aisément à retracer un petit peu le vécu des membres du groupe et aussi ce que représentait l'album. On peut croire par ce visuel que c'est un CD pour enfants, mais non, pas du tout. we can think at first through the drawing that it is a CD for children, but absolutely not. The name of the album itself is Songs for Kids and Adults, so it is a small wordplay, because the themes that we are talking about are something that should be totally clear even to kids, but even some adults don't understand. Donc en fait, dans le titre, c'est indiqué pour enfants et adultes. Après, malheureusement, la barrière de la langue fait qu'on l'a peut-être pas forcément compris. Et pourquoi pour enfants et pour adultes ? Parce que ce sont des thèmes en fait que tout le monde doit aborder dans la plus grande clarté, donc enfants comme adultes. Quels sont ces thèmes ? Which are the different themes in the album ? It all revolves about issues that, you know, we have two different approaches. One is the albums in Bosnian language that talk more about local issues and local politics, and then we have albums in English and other languages that speaks about more global issues that people from abroad that are not living at Balkans can relate to. So, you know, you have everything in the songs, from corruption to I don't know tolerance. It's very very wide area of topics. Donc les thèmes qui sont abordés sont en réalité très vastes. D'ailleurs, il m'a signalé qu'il y a des morceaux en anglais et d'autres en serbe. Ça, on l'avait entendu, mais les morceaux en anglais ne seront pas passés exceptionnellement ce soir. Mais ça traite de plein de problèmes, hein, de problèmes de tolérance, de problèmes, je crois, de ruralité aussi, de localité. Enfin, c'est extrêmement vaste et c'est un petit peu compliqué de résumer ça en une seule question. On a entendu une chanson en anglais tout à l'heure, hein, qui était Red Carpet, qui n'est pas issue du dernier album, qui est issue de l'album précédent. Une collaboration avec Manu Chao. Que pourrait-il nous dire sur cette collaboration? What can you tell us about the collaboration with or the working with Manu Chao for your title Red Carpet? This collaboration has a very long history because we met Manu more than 15 years ago when he performed in Sarajevo with his band, and since then we kept meeting him on festival stages or when we come to Barcelona, and it is with time that we developed a friendship with him, and when we asked him to help us with the song Red Carpet, and when he agreed, we are really really happy, and his voice and his words fit perfectly to what we were trying to say in the song. Continue, excuse me. Donc, il disait que c'est une très longue histoire. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans en réalité, où Manu Chao a joué à Sarajevo avec son groupe. Puis, ils se sont rencontrés dans des festivals, mais c'était un petit peu des rencontres de loin en loin. Mais avec le temps, l'amitié entre Manu Chao et le groupe s'est tissée. Et tout naturellement, ils ont fini par proposer sa participation pour le morceau. Il a accepté. Et puis voilà, c'est comme ça que Red Carpet a vu le jour. Vous avez un état d'esprit similaire avec Manu Chao, c'est-à-dire engagé et festif. You have the same mentality that Manu Chao, very engaged and festive. How do we say festive? Festive is okay. Thank you. On ne se trompe pas, hein, là-dedans, c'est bien ça. Ils ont la même façon, de, notamment sur album et sur scène. Yes, you have the same acting and the same mentality. You, the group Dubiosa Collective, and Manu Chao. Thank you. It is a compliment, I think. I think it is the similar approach. We really think that you can talk about serious issues and important issues without making music sounds too gloomy and too sad. And it doesn't have to be dark music if you speak about dark themes. Donc déjà, elle dit merci pour le compliment et en effet, hein, ils ont des approches assez similaires parce que comme Manu Chao, ça je pense que Mika tu le sais mieux que moi, ce n'est pas parce qu'on aborde des thèmes compliqués et sombres qu'il faut passer par de la musique dark. Pour finir, ceux qui viendront vendredi à la Souris Verte d'Épinal voir Dubiosa Collective avec Vedran à la basse, ça serait bien que Vedran nous dise un petit peu, sorte de teaser, hein, qu'est-ce que verront les gens qui viendront? Comment pourrait-il les faire venir? So Mika asks you to tell the people which are going to the concert Friday, what can you tell them about the concert so that they really want to go there? It's quite hard to speak about the concert itself and promise something to the people who never saw the band. It's the best thing is if they listen to some of our music, and if they like what they hear, to come for the show, and we promise that we will deliver the best show that we can have in this moment. And we really suggest that you bring spare clothes, because you will be wet from dancing and singing. Donc c'est difficile de faire des promesses, surtout à un public qu'on ne connaît pas. La meilleure chose à faire que Vedran nous suggère, c'est d'écouter les morceaux pour voir si cet univers nous correspond, nous plaît. Et après, si ça plaît, il promet une bonne ambiance dansante et festive avec Dubioza Collective. Eh bien Lou, justement, nous allons écouter un dernier titre de ce groupe. Oui, Let's Listen a Last... Music. Donc, je propose d'écouter le morceau Rigality. Et on dit au revoir à Vedran. J'imagine qu'après on. Yes, of course. On ne le retrouvera pas. Oui, en effet. So Vedran, it's the last time the people can hear you in our radio. So for tonight, thank you very much for your time. It's very precious, and I hope the concert will be very fine. Yeah, thanks for inviting me. Ciao. Bye. Et merci Lou pour cette traduction. Mais de rien. Će brodo, kravu i traktor da mogu da se prijavim na onaj X faktor s Bogom poljoprivredi, kajmaku i palenti odoh i ja majko tamo gdje su talenti zaboravit ću štale i domaću ranu sad će raja da me gleda na malom ekranu a cijenjeni će živi prepoznat vrlo vješto da imam neku žicu da imam ono nešto ja imam ono nešto ja imam ono nešto Neću dobit žuljeve na rukama Na estradnom nebu svima sunce sija Kad zvijezda možeš biti ti Što ne bi mogu i ja Preselit ću se u grad, živjet ću u stanu Gledat će me cijela Bosna na svakom kanalu A cijenjeni će živi prepoznat vrlo vješto Da imam neku žicu, da imam ono nešto Ja imam ono nešto Ja imam ono nešto Nemoj mala plakati, niti za mno žaliti Neću ti se vratiti, odo u reality Nemoj mala plakati, niti za mno žaliti Neću ti se vratiti, odo u reality Oh, odo u reality Oh, odo u reality Oh, odo u reality Za tebe ja pozdravljat ću svoje selo glasno Maksu, selam rodbini i svima što me znaju Hej Bosno, Bosno, rodni kraju Oh, odo u reality Oh, odo u reality Oh, odo u reality Oh, odo u reality Oh, odo u reality Oh, U svakom realitiju ja bi dobro prošao, al na farmu ne idem, od tamo sam došao. Et vous êtes de retour sur Radio Game of Thrones 107 FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Reality du groupe Dubiosa Collectif qui sera en concert vendredi 23 novembre à 20h30 à la Souris Verte avec en première partie les trois fromages. En espérant que cette interview et cette traduction vous aient plu et aient été compréhensives, que ça a été compréhensif pour vous. Voilà, en tout cas, moi, c'est un groupe qui me plaît bien, qui me fait beaucoup penser à Soviet Supreme. Je ne sais pas si tu connais, Mika. Oui, oui, c'est vrai que pour une fois qu'il est à la technique, Mika, pour l'exercice de traduction, j'oublie c'était plus simple. Mon micro. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu oublies d'allumer ton micro. C'est mieux que ce soit le mien que ce soit oublié que le tien. C'est un fait. Oui, mais moi, j'ai la petite lumière en face de moi, donc je sais si tu m'oublies. Tu parlais de Soviet Supreme, un groupe que tu aimes beaucoup, et un autre groupe que tu aimes également, il s'agit de Queen. Oui, vu que c'est le deuxième sujet de la soirée, comme on l'avait dit, on est allé il y a une semaine, on est allé voir le film Bohemian Rhapsody. Et voilà, c'était un petit biopic, un petit truc à ce sujet pour vous en parler. Alors Mika, t'es partant ? Et puis peut-être, vous donner envie d'y aller. Oui, vu qu'il est encore en ce moment dans les salles, il sort tout fraîchement au Tio et je crois qu'il y a encore quelques dates pour le cinéma Le France à Armirement. Et il y a certainement d'autres dates dans d'autres cinés, mais ça je ne peux pas vous le dire. Et certains se posent certainement la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que ça vaut le coup ? Alors Mika, quelle est ta réponse à la question que tu viens de poser ? Elle est très simple, ça dépend de chacun, je ne peux pas le dire pour vous, c'est en y allant que vous le saurez. Moi ce que je peux dire c'est que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, tout est une histoire d'angle de vue. Et bien évidemment, il y a eu des choix de fait pour ce film Bohemian Rhapsody. Toute la carrière de Queen ne pouvait pas être traitée. Il y a eu des partis pris. Ce qu'on peut dire aussi, et j'y tenais avant qu'on parle du fond, de ce qui t'a plu, Lou, moins plu, et moi également, que c'était très long. Très long avant de voir ce film Bohemian Rhapsody sur nos écrans, puisque pour la genèse, ça a commencé en 2010. Brian May, guitariste du groupe Queen, et puis Roger Taylor, le batteur, ont voulu donc, c'est eux qui ont lancé l'idée. Hein. Et dans la première version, celui qui devait jouer Freddie Mercury était le fameux Sacha Baron Cohen, celui qui joue Borat. C'était celui qui était pressenti. Ah, d'accord, tiens, j'étais pas au courant de ça. Apparemment, ça n'a pas trop plu aux deux de Queen. Apparemment, ils n'étaient pas trop chauds pour ça. Donc, ça s'est arrêté là. Et puis, en 2013, c'était l'idée. De toute façon, l'idée était toujours là, mais ça a été relancé, ce projet, avec, dans le rôle de Freddie Mercury, un gaillard que vous avez peut-être vu dans quelques James Bond récemment, comme Skyfall, Ben Whishaw. Et puis à la réalisation, c'était Dexter Fletcher qui était prévu. Puis pareil, hein, ça n'a finalement pas eu lieu. Et enfin, le projet a pu voir le jour, c'était il y a 2 ans. Celui qui était choisi à la réalisation, c'est Bryan Singer. Et le rôle de Freddie Mercury, Lou, c'est Rami Malek, qu'on a vu dans différents films. Alors, je ne me souvenais pas qu'il était passé dans Twilight, mais je suis allée regarder un petit peu sur YouTube, en effet. Oui, parce que je fais partie de la génération Twilight aussi, il ne faut pas l'oublier. Et dans d'autres films, je crois Mister Robot, je ne sais pas si je l'ai vu, enfin voilà, mais il avait quelque chose, Rami Malek. Donc, oui, pour les donc, le compteur de donc qui continue à augmenter. Comme je le disais, Rami Malek qui a incarné Freddie Mercury, puis Gwilym Lee qui a joué le rôle de Brian May, donc le guitariste, chanteur. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une très très grande ressemblance physique entre les deux, en tout cas dans le visage et dans le jeu d'acteur. Pourtant, il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de maquillage de fait pour lui. Joseph Mazzello a joué le bassiste John Deacon. Et enfin, Ben Hardy a incarné le batteur Roger Taylor. Roger Taylor. Oui, enfin bon, hein, me cherche pas avec l'anglais ce soir. Je crois pas. Je suis pas en capacité de le faire. Et pour finir, alors la dernière péripétie, c'est que Bryan Singer, le réalisateur, n'a pas fini le tournage. C'est finalement le premier réalisateur pressenti, Dexter Fletcher, qui a pris la fin du tournage. Alors, je sais, Lou, tu cherches sur Internet, certainement. Singer est crédité, c'est lui qui est crédité comme réalisateur du film, de Bohemian Rhapsody, mais non, c'est pas lui qui l'a fini. Les quelques derniers mois de tournage, c'est Dexter Fletcher. Mais ça n'a pas empêché, en tout cas, un résultat que je trouve probant. Et quand je parlais de parti pris, y en a un premier que... Tu peux peut-être évoquer, Lou, je le sais, puisque tu me l'avais dit, toi, ce qui t'a assez choqué, c'est peut-être pas le terme. Ah oui, je commence à comprendre ce que tu veux dire. Donc, ont été choisies des périodes. Ah oui, on va peut-être remettre le contexte pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. On arrive à un point T dans le temps. Puis on fait un grand flashback sur les débuts du groupe Queen, donc quand il y avait seulement Brian May et Roger Taylor pour le groupe Smile, puis comment Freddie Mercury alias Farouk Bulsara a intégré le groupe et comment il a trouvé plus tard John Deacon. Oui, je suis en train de chercher les vrais noms. Et c'est l'évolution petit à petit du groupe, comment il est de plus en plus connu jusqu'au concert que j'ai d'ailleurs pas, enfin pas paradoxalement, mais c'est marrant parce que sans le savoir, je l'ai vu assez récemment. C'est le Live Aid. Voilà, c'est sur cette note que le film débute, sur le Live Aid concert de 1985. Merci pour récolter des fonds pour lutter contre la famine dans un pays d'Afrique, par contre je ne sais plus lequel. Je suis désolée, c'est un double concert, un très très grand concert, un double concert à la fois à Londres au stade Wembley dans lequel le groupe Queen aura joué plus tard pour un des plus grands lives de l'humanité, mais bon ça c'est pas moi qui le dis. Et aussi en parallèle à Philadelphie. Et comme je le disais, donc, l'histoire se greffe autour de ça, donc l'évolution du groupe et le point final du film, c'est le Live Aid. Et d'ailleurs, comme je l'ai vu récemment, le jeu de Rami Malek, enfin, je sais pas si on peut déjà s'orienter sur ces petites anecdotes-là. Mais si, tout à fait. Comme j'avais vu le concert récemment et j'avais lu des articles à ce sujet, Rami Malek, alias Freddie Mercury, a vraiment travaillé très dur pour avoir les mêmes mimiques que lui, la même manière de bouger. Et j'ai peut-être pas trop revu le concert depuis, mais j'ai quand même vu un petit peu quelques clips de Queen parce que hashtag super fan du Queen. Et c'est vraiment... Voilà, on a l'impression de voir Freddie Mercury. C'est peut-être pas sa tête, mais il gesticule comme lui. C'est effarant. Et moi, j'ai l'impression qu'il a repris exactement justement la chorégraphie de Mercury au Live Aid, quoi. Que c'est exactement. Mais je pense que ça faisait partie du boulot. Ouais. Et tu as trouvé un peu décevant que ça n'aille pas plus loin, c'est-à-dire qu'on ne s'aperçoive pas dans ce film des 6 dernières années de la vie de Mercury avec Queen. Non, en effet, parce que Freddie Mercury est un artiste qui, personnellement, m'est cher. Hein, ça ne veut pas dire que le reste de la planète doit l'aimer autant que moi. C'est vrai que, comme on a vu, parce que c'est vraiment un biopic sur Queen et Freddie Mercury, on ne voit pas vraiment, même on ne voit pas du tout les autres personnages dans leur vie privée. On voit aussi beaucoup, à travers le jeu de Rami Malek, les sentiments qui sont exprimés. Ça nous permet de mieux connaître Freddie Mercury, parce que j'imagine que s'il y a Brian May et Roger Taylor qui ont participé pour le film, c'est qu'ils le connaissaient extrêmement bien et donc ils devaient savoir comment ils se sentaient à certains moments du film. Je ne sais pas si on va livrer trop de détails pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. Il faut leur donner envie de le regarder sans spoiler. Mais ça a donné une certaine approche. On a vu aussi certaines choses dont je n'étais pas au courant. Comment il a vécu aussi la maladie et par conséquent, oui, ses dernières années de carrière, quand il savait qu'il était condamné. Et forcément, l'adieu qu'il a fait, l'adieu implicite qu'il a fait au public de par le morceau Show Must Go On, qui n'est pas spécialement mon préféré, même si je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que moi, j'aurais voulu voir le contexte de l'écriture de Show Must Go On et la première fois qu'il l'aurait chanté. Et oui, après, la fin de Freddie Mercury. La vie privée tu as employé ce terme. Alors, on en voit en partie hein, celle de Freddie Mercury. Et je sais que c'est un sujet qui a fait pas mal jaser. Je crois que dans la communauté gay, il y en a qui ont trouvé dommage qu'on mette trop l'accent sur son histoire d'amour, d'ailleurs plus qu'une histoire d'amour. Il a failli se marier, Freddie Mercury. Et oui, il avait demandé sa belle à l'époque, qui s'appelle Mary Austin, hein, qui est d'ailleurs toujours en vie. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette relation, c'est qu'il l'a connue quand Queen n'existait pas. C'est-à-dire sa rencontre coïncide avec le début de Queen. Elle l'a aidé notamment pour l'image, puisqu'elle était vendeuse dans une célèbre boutique de vêtements à Londres. Et lui, vous le savez, si vous avez vu des extraits de Queen, si vous avez déjà vu Freddie Mercury, il aimait bien, l'image était importante, il aimait bien se fringuer, notamment dans le rayon femme, c'est ce qu'on voit dans le film. Et elle l'a beaucoup aidé, Mary Austin, pour ce côté esthétique. Et donc l'accent est mis sur ce film, sur cette histoire très importante qui a duré toute la vie de Freddie Mercury, c'est-à-dire qu'il a d'abord vécu avec cette femme pendant 7 ans, il me semble, puis ils se sont séparés avant le mariage parce que il s'est avéré que Freddie aimait les hommes beaucoup. Et c'est ensuite... malgré ce qui aurait pu faire que leur histoire capote aux deux, c'est-à-dire que ça a été une histoire d'amitié qui a perduré, de l'amour, on est passé à l'amitié, et jusqu'à la fin de sa vie, Mary Austin a été fidèle à Freddie Mercury, c'est-à-dire que quand il avait, c'est ce qui ressort dans le film, de gros problèmes, elle était là, elle venait notamment à Munich pour l'enregistrement des Mr. Bad Guy, l'album solo de Freddie Mercury, quand il était en pleine débauche, je dirais, ces soirées qui n'en finissaient pas avec la drogue et les garçons, elle est venue à un moment, elle est venue un petit peu le chercher et le relancer. Et il se trouve, pour l'anecdote, qui montre aussi l'importance qu'avait cette femme dans la vie de Freddie Mercury, c'est qu'il lui a légué la moitié de sa fortune, et notamment la maison dans laquelle il vivait, un sort de château. Et d'ailleurs, Lou, dans le film, il montre que avant sa mort, Freddie avait acheté aussi une maison pour Mary, juste en face de la sienne. Comme ça, il pouvait se voir, se faire des signes, allumer la lampe de chevet pour se dire « je suis là ». Ça va bien, etc. Oui, en effet. Je suis en train de chercher deux, trois choses parce que moi, il me semblait que Mary Austin et Freddie avaient été mariés. Non, il demande. Alors justement, dans le film, c'est ce qui est montré. On voit la demande en mariage quand il offre cette bague. Mais finalement, j'ai vu, donc c'est réel, hein, c'est que au final, il n'est pas allé jusqu'au bout puisque l'amour des garçons était trop fort. Et finalement, ils ne se sont pas mariés. Alors, Freddie Mercury, écrit une chanson, justement, pour l'amour de sa vie. Oui, qu'on voit bien aussi dans le film. Donc, on va peut-être passer à Love of My Life, qui a été écrit spécialement pour elle. Et on se retrouve juste après. Please bring it back. Love of My Life du groupe Queen. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM pour l'édition, pour cette édition de l'Heure des Loups. D'ailleurs, si vous voulez réagir avec nous, vous pouvez sans problème passer par notre page Facebook Radio Gémozo. J'ai mon téléphone d'ouvert devant moi. Ou sinon, vous pouvez passer par, par le téléphone simplement au 03 29 62 40 40. On se fera un plaisir de discuter avec vous pour les quelques minutes qui nous restent autour de l'avis que vous aviez du film Bohemian Rhapsody, vu que c'est le thème de cette deuxième partie d'émission. Alors on a parlé de plein de choses parce que ce film, approche de manière très humaine Freddy sans en faire un héros, mais en faisant un humain. Je sais pas toi ce que Mika tu voulais dire à ce sujet. Bah déjà parler du choix de la chanson, en plus qu'elle soit dédiée et écrite pour Mary Austin, l'amie de toujours de Freddy. Eh bien, vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas, Lou, un instrument en particulier dans ce morceau-là ressort. C'est la harpe. Brian May joue de la harpe, alors c'est assez rare pour le signaler. Et puis, de toute façon, c'est vrai que c'est un morceau qui n'est pas représentatif de la discographie de Queen, et c'est pour ça que je trouvais bien aussi de le passer. Ce qu'on peut dire, c'est que les chansons, elles sont de toute façon très variées hein, dans la disco de Queen. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce groupe-là, c'est qu'il regroupe beaucoup de choses. Il est très expérimental. Bon, ça, c'est du grand loup aussi. J'aime beaucoup ce qui est expérimental, comme on le voit avec Carpenter Brut, avec System of a Down, d'autres groupes comme Soviet Supreme, ou bah, j'aime bien Dubioza Collective, donc je pense que je vais en écouter un petit peu plus en rentrant chez moi. Mais voilà, c'est vrai que c'est cet aspect aussi qui a fait sa force à son époque. Quand tu parles de l'approche humaine, c'est vrai que malgré les difficultés, il ressort évidemment une cohésion de groupe. C'est-à-dire que, comme il est dit dans le film Bohemian Rhapsody, c'est une famille. Comme toutes les familles, forcément, il y a des moments de doute, des difficultés, des déchirements, mais au final, on se retrouve, on est là. Et d'ailleurs, le groupe, au-delà du film, l'a prouvé après la mort de Mercury. Je me rappelle qu'ils sont allés notamment le défendre, c'est terrible, puisque après qu'il soit décédé, il y en avait beaucoup qui critiquaient, notamment sa façon de vivre, tout ça, le fait qu'il soit mort du sida. Et le groupe allait notamment faire taire certains ragots. Et donc ce côté humain, oui, c'est vrai que je trouve qu'on ressent, il y a eu une approche. Quand je parlais de parti pris tout à l'heure, ça on a été un. Oui, en effet, comme on le disait, hein, contrairement à ce que je pensais, après moi c'est vrai que j'aime Queen de par ses morceaux, mais après je connais pas non plus la réelle biopic, mais ça a permis de redécouvrir ce groupe, moi ça m'a permis, oui, d'en savoir plus sur lui, forcément sur Freddie Mercury alias Farouk Boulsara, et j'ai perdu mes mots comme d'habitude, mais c'est vrai qu'on voit que au-delà d'être un grand artiste, Freddie Mercury est humain, qu'il a fait des erreurs parce qu'il a fait exploser le groupe, mais après il est revenu pour le rescinder, enfin non pas rescinder, le ressouder. Il a comme tout le monde, hein, il a fait des erreurs, il a fait des bonnes choses, il a fait des choses extraordinaires et des morceaux extraordinaires, mais pas lui tout seul, parce que tous les groupes, tous les morceaux, non, tous les Si, tous les membres du groupe, pardon, ça y est, j'ai retrouvé mes mots, ont participé, ont proposé divers morceaux qui font partie maintenant du groupe Queen et qu'on aime ou qu'on aime moins. Et oui, c'est ce qu'on voit aussi. Et comme je le disais, beaucoup, c'est cette approche très humaine aussi, parce que j'ai vu que dans ce film, je ne sais pas si c'est important de vous le dire, parce que pour moi, c'est vraiment ressorti. Le jeu de regard, c'est quelque chose de très important. Tant le regard de Rami Malek que le regard de Ghoulim Lee, donc Freddie Mercury et Brian May, ces deux en tout cas. Un petit peu aussi celui de Ben Hardy. Ces regards expriment énormément de choses. Sans avoir besoin d'ajouter de mots pour dire je suis en colère, je suis pas content, je suis triste, je suis déprimée, je me sens seule, ou j'aimerais te comprendre mais tu m'as blessée. Ces regards ont un jeu, en fait, ces regards sont des personnages à eux tout seuls dans le film. Les acteurs ont été bons. Excellent. C'est pas toujours le cas dans les biopics, hein. Ça doit être très compliqué d'incarner quelqu'un, et on a vu parfois des biopics, en tout cas que moi je trouvais, je vais pas citer de nom, hein, mais que ça ne rendait pas justice à la personne réelle. Là, ça n'est pas le cas. Non, en effet, et en parlant rapidement biopic d'autres personnages que j'aime beaucoup, mais ça remonte un petit peu plus, je vous suggère de regarder le film Ludwig van B avec Gary Oldman qui incarne si brillamment Beethoven. Gary Oldman qui est un acteur que j'aime énormément, et le film Amadeus, par contre je ne peux plus vous dire qui est l'acteur principal, mais qui montre aussi la vie de Mozart, que j'ai trouvé très très très bien. Donc ces deux biopics sur des grands musiciens on peut dire d'une autre époque, mais dont la musique résonne encore aujourd'hui. Ce sont deux biopics que je vous suggère, qu'on peut trouver un petit peu partout, je pense, comme ils sont ils ont plus d'une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc oui, on les trouve assez aisément et ils sont très très bons. Et voilà, Bohemian Rhapsody est un très bon biopic. Donc pour la faire courte, si vous n'êtes pas encore allé le voir et que vous hésitez, allez-y. Il vaut vraiment, vraiment le coup. Tu parlais de l'écriture des morceaux de Queen, et c'est ça que je trouve un peu dommage dans le film, c'est que ça ne ressort pas assez ce que tu disais, c'est-à-dire que sur un album, eh bien, généralement, il y avait plusieurs morceaux de chacun, c'était pas que des chansons de Mercury, tous depuis le début. Alors au début, les premiers albums, c'était que Brian May et Mercury, généralement c'était 50-50, puis petit à petit les deux autres, le batteur et le bassiste, Deacon et Taylor, dans l'autre sens, hein, Taylor et Deacon, ont écrit des morceaux, et notamment des singles, des morceaux qui ont été très importants dans la discographie du groupe. Et je trouve que c'est un petit peu même le rôle dans l'écriture des chansons est rabaissé dans le film, puisque à un moment, si tu te souviens Lou, au moment de l'enregistrement de l'album A Night at the Opera, et plus particulièrement la chanson Bohemian Rhapsody, qui donne le nom au film, qui est un monument, cette chanson, avec plein de parties, qui fait se rencontrer le rock et l'opéra, entre oui, autres. Qui est très expérimentale. D'ailleurs, cette chanson, je la connais par cœur en ce qui me concerne. Je suis capable de la chanter comme ça. Et pour cet enregistrement, les autres sont un peu dénigrés dans les morceaux. Ils se moquent de certains titres, Love With My Car, tout ça. Les autres morceaux des autres membres sont un petit peu moqués, je trouve, dans le film. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas réel. Ils ont été importants, je le disais, hein, les autres dans les chansons de Queen. Ah, mais c'est vrai qu'après, les morceaux qui ont été moqués, ça m'a moins donné envie de les écouter. Mais en fait, finalement, aussi, pourquoi pas, je vais les écouter. Je vais voir si je les ai, parce que moi, j'ai la compilation Greatest Hits dans ma voiture. D'ailleurs, c'est une très bonne chose aussi, un avantage à la sortie de ce film, que la compilation Greatest Hits a été rééditée, parce que avant je l'ai cherchée partout sur internet, et c'était au moins 120 euros le CD, parce que j'avais que le Greatest Hits de l'original, je l'ai, mais c'est vrai qu'après, pour avoir la compilation entière, il fallait mettre vraiment la main au porte-monnaie. Et je peux dire merci au film qui a fait rééditer cette compilation. Au moins je l'ai en entier maintenant. Ça y est, on en a fini de cette émission L'heure des loups. Et malheureusement, oui, vu que le temps file, le temps défile. Et c'est déjà, avant de se dire au revoir, le moment de faire la programmation de la soirée. Et comme pour une fois, je ne suis pas en studio, Tu peux déjà mettre le générique, Mika. Donc ça va déjà être le moment de faire la programmation, je le disais. Donc ce soir, on est mercredi, on retrouvera dès 21h Vincent pour son émission Vivre et créer la montagne, puis musique jusqu'à demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée jusqu'à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur la page Facebook Radio Guémouzo ou sur notre site internet radioguémouzo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tout sera indiqué. Et puis de toute façon, les deux parties, surtout la première partie plus importante de l'émission, les sites internet du groupe Dubiosa Collective seront indiqués pour que vous puissiez faire un petit tour et les découvrir un petit peu plus. Ils sont, je le rappelle, vendredi à Épinal pour à la Souris Verte en concert avec les Trois Fromages, mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter, ce sera à nouveau indiqué dans le billet de sortie de vendredi comme d'habitude. Demain ce sera jeudi, donc 8h chronique de Michel, puis 8h30 matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h-19h en direct à nouveau pour faire une petite suite de cette émission, une petite playlist de Queen en première partie vu que c'est encore une émission coupée en deux, et en deuxième partie, donc dès 18h30, on va découvrir le groupe Blondstone qui sera présent au festival Rock au Lac de Gérardmer ce week-end, qui seront en fauneur avec nous demain soir. Donc si vous voulez en savoir plus sur eux, on se donne rendez-vous à 18h30 sur le 107. Mika, merci beaucoup pour ta participation. Tu m'as enlevé une grosse épine du pied, surtout pour la première partie de l'émission. Merci à toi pour cette traduction. Et merci aux auditeurs, en espérant que l'émission vous ait plu. D'ailleurs, je vois que l'Alsace m'envoie plein de SMS. Ah, si, l'Alsace me demande de chanter. Non, désolé, je ne vais pas chanter à l'antenne. Dans tous les cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous voulez m'écouter chanter, dites-le moi, je ferai une émission spéciale. Et on se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous.